ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني. ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق. وقوله تعالى: قل أعوذ برب الناس. ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومن السنة: لعن الله من ذبح لغير الله. ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. Ce qui veut dire en français, c'est justement une approche, comme on vous dit la traduction. Voici l'évidence concernant ces trois façons d'adoration qui sont l'aspiration, la crainte et la révérence. Allah dit dans le Saint-Coran: ils étaient prompts dans la bienfaisance et nous appelaient et nous invoquaient avec aspiration et crainte et nous rendaient révérence avec résignation et humilité. L'évidence citée par Allah dans le Coran concernant l'appréhension est la suivante: n'ayez aucune appréhension d'eux, c'est-à-dire des infidèles, mais redoutez-moi. C'est parce que pour ceux qui ont ce livre-là, je ne sais pas si dans les autres traductions c'est la même chose, en arabe comme en français il y a eu des rajouts. J'étais obligé de vérifier dans les autres publication de Rasul Salafa, et donc c'est comme lié dans le commentaire de Cheikh Ben Baz, alors qu'ici il y a eu des rajouts. Par exemple, quand il dit fala tarshawhum warshawni, c'est là où il s'arrête. Là, ils ont complété le verset: wali utim man ya'mati alaykum wa la'allakum tahtadun. Donc ça a été rajouté par rapport à l'original. Donc c'est pour ça qu'en français aussi il y a eu le rajout. Donc l'appréhension, l'évidence citée par Allah dans le Coran concernant l'appréhension est la suivante: n'ayez aucune appréhension d'eux, des infidèles, c'est-à-dire, mais redoutez-moi. Après, elle a complété par: je vous compléterai mes bienfaits pour que vous puissiez être bien guidés, c'est-à-dire bien orientés. Mais la fin du verset n'y est pas dans l'original. Le repentir. L'évidence dans le Coran concernant le repentir est: offrez votre repentir à votre Seigneur et lui soyez soumis. Et donc là aussi ça a été rajouté: avant de subir les supplices du châtiment, et alors vous ne serez pas secourus. Donc l'original c'était وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ. Donc il a complété le verset: مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابِ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ. de la supplication de l'aide de Dieu. L'évidence de la supplication est ainsi mentionnée par Allah dans le Coran. Et là, pour ceux qui ont cette traduction, je ne sais pas dans les autres, mais c'est pas bon parce qu'il a dit c'est vous que nous adorons et c'est vous que nous supplions. On sait qu'en français, par politesse, on dit à une personne vous. On entend par là une personne. Mais pour pas qu'il y ait de confusion, c'est mieux de garder c'est toi. Là, c'est vraiment, là, on sait que c'est Allah l'unique. Donc, c'est mieux de donc vous corriger ceux qui l'ont. C'est toi que nous adorons et c'est toi que nous supplions. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Et dans le hadith, si tu supplies une aide, adresse la supplication à Allah. L'appel du refuge. L'évidence de cet appel est ainsi citée par Allah dans le Coran. Dis, je cherche refuge auprès du Seigneur des humains, du roi souverain des hommes. L'appel au secours. L'évidence de cet appel au secours citée par Allah dans le Coran est la suivante. Et quand vous appeliez votre Seigneur Dieu à votre secours, il répondit à votre appel, je vous munirai d'un renfort de 1000 anges suivis du même nombre. Hein? Là aussi ça a été rajouté. À l'original il y avait Istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Et là il a complété le verset par Inni mumiddukum bi alfin min al malaikati murdifin. Donc je vous munirai d'un renfort de 1000 anges suivis du même nombre. Le sacrifice ou l'immolation. L'évidence du sacrifice est ainsi mentionnée par Allah dans le Coran. Dis, ma prière mérite de sacrifice. Ma vie, vous avez compris, mérite de sacrifice. C'est l'immolation d'un animal. Hein, dégorger un mouton ou n'importe quel animal. Donc, dis, ma prière mérite de sacrifice. Ma vie et ma mort sont tous en offrande à Allah, Seigneur de tous les mondes, sans aucun associé. C'est ainsi qu'il m'a été commandé et je suis le premier des musulmans. C'est-à-dire le premier des soumis à l'islam et à Dieu. Et dans la sunna, c'est-à-dire dans un hadith, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Dieu maudit celui qui offre son sacrifice à un autre qu'Allah. Le vœu, l'évidence concernant le vœu cité dans le Coran est, ils accomplissent les vœux pieux et redoutent un jour dont le mal plane. Qu'on reprend, Inch'Allah, depuis le début du texte. وَدَلِيلُ الرَّغْبَةِ وَالرَّهْبَةِ وَالْخُشُوعِ. Donc là, Cheikh Ben Baz, il dit وَهَكَذَا الرَّغْبَةُ وَالرَّهْبَةُ وَالْخَشِيَةِ. Donc de même, pour l'aspiration, la crainte et la révérence. مِنَ اللَّهِ. Tout ceci doit être pour Allah, subhanahu wa ta'ala. كُلُّ هَذِهِ عِبَادَاتِ. Ce sont toutes des adorations. Vous savez, depuis le début qu'on a vu toutes les formes d'adoration, on est à la suite de ces genres d'adoration qui sont dues à Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala anil anbiya'i was-salihin. Allah dit, en citant les prophètes et les pieux, innahum kanu yusari'una fil khayrat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Ils étaient prompts dans la bienfaisance et nous appelaient et nous invoquaient avec aspiration et crainte et nous rendaient révérence avec résignation et humilité. Yani khaifin, c'est-à-dire qu'ils avaient peur. Yarshaun Allah, ils craignaient Allah. Wa yarshaun li'azamati, et ils avaient l'humilité pour sa grandeur, c'est-à-dire la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et yazillun, c'est-à-dire qu'ils avaient peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني. Donc la preuve de la peur c'est la parole d'Allah, et n'ayez pas peur d'eux mais ayez peur de moi. ودليل الإنابة. Donc et la preuve évidente pour le repentir. Donc Cheikh Ben Baz حفظه الله il continue, il dit وهكذا الإنابة عبادة. Et comme ceci, le repentir est aussi une adoration. Qala ta'ala. Tout ceci pourquoi? Pourquoi ici toutes ces formes d'adoration? C'est parce que quand on parle d'adoration, il y en a beaucoup qui ne comprennent pas. Ils pensent que c'est seulement la salat qu'il est en train de faire, c'est ça l'adoration. Alors que le terme adoration dans son sens général et global, il veut dire bien plus que ça. Et c'est pour ça qu'il les a énumérés. Wa hakadha al-inabatu ibada. Et de même, le repentir est une adoration. Qala ta'ala, le Très-Haut a dit, wa anibu. Alhamdulillah. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. Et repentez-vous à votre Seigneur, puis soumettez-vous à lui. والإنابة معناها. Et le repentir veut dire الرجوع إلى الله, le retour vers Allah. والتوبة إليه. Et le repentir envers lui. والاستقامة على طاعته. Et la droiture dans son obéissance. فهذه عبادة لله. Ceci est une adoration pour Allah. يجب على الناس أن ينيبوا إلى الله. Il est un devoir pour les gens qu'ils se repentent à Allah. ويرجعوا إليه. Et qu'ils reviennent à lui. ويتوبوا إليه. Et qu'ils se repentent à lui. Car التوبة والإنابة c'est des synonymes. ويستقيموا على طاعته. Et qu'ils soient droits dans son obéissance. قالوا تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له ودليل الاستعانة. Donc, et la preuve de la demande de refuge. Donc Cheikh Ibn Baz dit وهكذا الاستعانة عبادة. La demande de refuge est aussi une adoration. كما قال تعالى, comme le trouva dit, إياك نعبد وإياك نستعين. C'est toi seul que nous adorons et c'est de toi seul que nous demandons refuge. Wa fil hadith, et il est dit dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, idha sta'anta fasta'in billah, lorsque tu demandes refuge, demande-le qu'à Allah. Fasta'inu al-'abdu billah, donc l'homme, le serviteur, il demande refuge à Allah subhanahu wa ta'ala. Fa taqul, comme par exemple tu peux dire اللهم عني على ذكرك وشكرك. Ou Allah, aide-moi dans ton rappel et dans ton remerciement. C'est-à-dire, aide-moi à être toujours dans ton rappel et à être toujours dans ton remerciement, que je te remercie à chaque fois. اللهم عني على طاعتك. Ou Allah, aide-moi dans ton adoration. اللهم عني على كل خير. Ou Allah, aide-moi dans tout bien. Donc tout ceci, hein, c'est une demande de refuge à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a ghayri hadha, et bien d'autres choses que tu peux demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Tasta'inu billahi fi kulli al-muhimmat. Tu demandes refuge à Allah subhanahu wa ta'ala dans toutes choses importantes. Wa fil hadith, idha sta'anta fasta'in billah. Wa dalil al-isti'adha. Hein? Et la preuve de la demande de protection. قوله تعالى, la parole d'Allah, قل أعوذ برب الفلق. C'est dit, je cherche refuge auprès du Seigneur des humains, du roi souverain des hommes. وقوله تعالى قل أعوذ برب الناس. Hein? Donc tu demandes protection à Allah subhanahu wa ta'ala, au Seigneur des gens. Donc là, Cheikh Ibn Baz, il continue en disant وَهَكَذَا الْإِسْتِعَاذَةُ عِبَادَةُ. Et de même, la demande de protection est une adoration. أَن تَسْتَعِيذَ بِاللَّهِ مِنَ الشُّرُورِ. Que tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala la protection contre tous les maux. وَتَلْجَأُ إِلَيْهِ. Et que tu reviennes à lui. كَمَا قَالَ تَعَالَى, comme le Trouva dit, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ. وَقَوْلُهُ, et sa parole, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. فالاستعاذة بالله من الشيطان. La demande de protection à Allah subhanahu wa ta'ala contre Satan. ومن كل مؤذن, et de tout ce qui pourrait faire mal. ومن كل عدو, et de contre tout ennemi. أمر مأمور به, c'est un ordre dont on est obligé d'y revenir. كما قال تعالى, comme le Trouva dit, وإما ينزغنك من الشيطان نزغ من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. Et si une des suggestions de Satan te viennent, demande à Allah donc protection. Donc à chaque fois qu'on a ce qu'on appelle l'waswas ou le nazr, des suggestions ou des mauvaises pensées qui sont de Satan, on doit demander à Allah subhanahu wa ta'ala protection contre Satan le maudit en disant A'udhu billahi minash shaitani rajim. C'est aussi à dire avant de lire le Coran, on demande protection à Allah subhanahu wa ta'ala contre le Satan le maudit. Et pour les si'adha, il y a plusieurs formules à dire. Donc pour la prière, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, c'est la formule la plus connue, la plus répandue. Sinon, tu as A'udhu billahi sami'il alim min ash-shaytanir rajim. Donc, tu as ajouté As-sami'il alim. Et tu as aussi A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthih. Ou A'udhu billahi sami'il alim min ash-shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthih. Toutes ces formules-là, elles sont authentiques dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَدَلِيلُ الْإِسْتِغَاثَةِ hein, et la preuve de la demande de secours, قَوْلُهُ تَعَالَى, la parole du Très-Haut, إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ, lorsque vous demandiez secours à votre Seigneur, puis il vous a exaucé, il vous a répondu. وَهَاكَثَ الْإِسْتِغَاثَةِ, et de même, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il continue dans son commentaire, وَهَاكَثَ الْإِسْتِغَاثَةِ, et de même pour la demande de protection, ibadatun, c'est une adoration. Antastaghitha billahi fi shada'id min adu, que tu demandes secours à Allah subhanahu wa ta'ala lors des difficultés contre un ennemi. Aw tatlubuhu inzal al-ghayth al-mubarak, ou tu lui demandes la descente de la pluie bénie. Aw bikashf ad-durr, ou qu'il enlève un mal. Comme قال تعالى, comme il a dit, إِسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ, lorsque vous demandiez secours à votre Seigneur, puis il vous a répondu. وَدَلِيلُ الزَّبْحِ, la preuve, l'argumentation de l'immolation. Donc Cheikh Ibn Baz, hafidhahullah, il dit وَهَكَذَا الزَّبْحُ عِبَادَةٌ, et de même pour l'immolation, c'est une adoration. Quelqu'un pourrait dire, mais pourquoi toutes ces répétitions à chaque fois? Ça y est, on a compris, il aurait pu toutes les compiler et dire ça, c'est une ibada. Hein? Mais plus on répète et plus on répète, et plus ça ne fait que renforcer le sens. Les répétitions, elles servent à quoi? À renforcer le sens, et ça entre mieux dans la tête. On retient mieux quand c'est plus répété. Et ça, c'est dans le domaine de la aqida. Il ne faut jamais se lasser de la aqida. Dans la aqida, c'est très très important. Beaucoup se sauvent du domaine de la aqida à cause de ça. Mais pour la dunya, ça, ils ne s'en lassent pas. C'est pour ça, quoi. Il faut bien comprendre. Dans le domaine de l'akhira, il ne faut pas se lasser. C'est la plus grande base et la première base de l'islam. Si elle n'est pas bonne, tout n'est pas bon. Tout le reste tombe à tombe. C'est comme une maison que tu veux construire, mais tu ne veux pas creuser. Mettre de bonnes fondations. Il y a un sol plat. Tu viens, tu peux mettre des briques. Hein. Bon, on voit si ça va tenir. Donc les musulmans doivent partir au début sur de bonnes bases. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, moi je répète parce que pour certains on en a déjà parlé, mais c'est très important. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant 13 ans à la Mecque, il faisait quoi? Il enseignait la aqida, le tawhid aux musulmans. Il leur rappelait le paradis, il leur rappelait l'enfer, et il leur imprégnait la aqida dans les cœurs. Avant que la prière elle descende, avant que le hajj, avant que tous les piliers et les grandes règles islamiques descendent, le seul domaine qu'il y avait, c'était l'exhortation, la peur de l'enfer, hein, de parler d'Allah, un rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, et tawhid. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est la personne qui parlait le mieux la langue arabe, et Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné la possibilité de dire en peu de mots ce que tous les autres ont besoin de, on ne pourra le dire qu'avec plus de mots. Ça, ce n'est pas donné à tout le monde, ça c'est une chose, comme le professeur Samuel a dit, ou tu es tout ma jama al-kalim. Jama al-kalim, qui a été donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Imagine, alors faites le calcul. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait la meilleure langue, donc déjà pour question de langue, il était tranquille. Il pouvait dire en peu de mots ce que beaucoup auraient besoin de dire en plus de mots. Ça ne fait que gagner du temps. Troisièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le prophète. Tout ce qui sort de sa bouche n'est qu'une révélation qui lui a été révélée. Donc il ne se trompe pas dans le domaine religieux. Alors que nous, quand on parle, je pourrais t'enseigner quelque chose, et puis dans quelques temps, il s'avère que je me suis trompé. Inch'Allah, que je revienne sur mon erreur. Ce serait quand même grave de parvenir sur mon erreur. Hein? Bon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se trompe pas. Aujourd'hui, quelqu'un pourrait nous enseigner quelque chose. Mais parfois, il y a des musulmans qui disent, oui, mais j'ai entendu un tel dire, j'ai entendu un tel. Eux, ils étaient tranquilles, les sahaba. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'avait aucune autre personne chez qui retourner. C'était que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était la source. D'accord, hein? Et les autres lois de l'islam n'étaient pas encore descendues. Donc il n'y avait que le tawhid. Et tu sais pendant combien de temps? Pendant 13 ans. Et aujourd'hui, on vient te dire que le tawhid, ça peut s'enseigner en 10-15 minutes. Alors qu'aujourd'hui, déjà la langue arabe, on ne l'a pas. Lorsqu'on se parle entre nous, c'est à peine si on arrive à se comprendre. Et en plus, le prophète Hassan, il avait le rahma, la miséricorde. Il était patient avec les compagnons. Nous, que Dieu nous guide. Même si quelqu'un d'entre nous est extraordinaire, mais bon, c'est limité. Et on n'a pas la connaissance. Donc il y a beaucoup de choses qui font que, on devrait dire que c'est toute notre vie qu'il nous faut. Donc on ne vient pas nous dire que c'est une histoire de 10 ou 15 minutes. Celui qui te dit que c'est une histoire de 10 ou 15 minutes, c'est parce que ce n'est pas sa priorité. Et ce n'est pas son vrai problème, c'est pas la rapida. Et qu'il, lui, il est préoccupé par autre chose. X chose, c'est pas important, mais c'est quoi? Toute autre chose que la rapida, jamais. La priorité, c'est la rapida. Tu dois connaître ton Seigneur, tu dois connaître ta religion, tu dois connaître ton prophète. Ça, c'est les points les plus importants. Avant de connaître toute autre chose, c'est ça qu'il faut d'abord que tu connaisses. Que tu connaisses. Ça, c'est le plus important. Rien ne doit devancer la rapida. Rien ne doit devancer la rapida. وهكذا الذبح et de même pour l'immolation عبادة c'est une adoration فعلى تعالى notre roi dit قل إن صلاتي ونسكي أي ذبحي dit ma salat ونسكي النسك veut dire quoi ذبحي mon immolation ومحياي ومماتي لله رب العالمين dit ma salat mon immolation ma vie ma mort appartient à qui à Allah Seigneur des mondes La charika la sans associé. Wa bidhalika umirt. C'est par cela que j'ai été ordonné. Wa ana awwalul muslimin. Et je suis le premier des musulmans. Naam. Et je suis le premier des soumis. Naam. Parce que musulman n'est pas une traduction du terme muslim. Ça ne veut rien dire. Parce que maintenant c'est compris. Musulman c'est le muslim. Et sinon à l'origine le terme français musulman ne veut rien dire. Ça n'a pas de, ça a un sens, le terme musulman, ça n'a pas de sens. Mais le terme musulman a un sens. Une traduction convenable, ce serait de dire quelqu'un qui est soumis complètement à Allah subhanahu wa ta'ala. Une soumission complète à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça le musulman. Wa min as-sunnah la'ana Allah man zabaha li ghayrillah. Donc il y a le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit qu'Allah maudisse celui qui immole pour autre qu'Allah. C'est grave. Pourquoi il a ramené Zed? Il faut dire, j'égorge que ça va avec la Aqida. C'est pas le geste qu'on regarde. C'est pour qui tu le fais ce geste-là. Vous avez compris? Parce que tu égorges, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Par le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala que tu commences à égorger. Et ça, c'est en contradiction complète avec ce qu'on font les gens dans nos pays. Il gorge pour qui? Pour Sidi Filan, ou là pour Cheikh Filan, ou là pour la tombe un tel, ou pour le mausolée un tel. Et ça, c'est répandu, mais vraiment très rempli dans nos pays. Et ça fait partie du shirk. Ça fait partie du grand polythéisme. Ah, c'est très très grave. Wa dalilun nazar est l'argument, la preuve pour le vœu. C'est quoi un vœu? C'est quoi un vœu? Un vœu, c'est quoi? C'est, par exemple, de dire « Oh Allah, si tu me donnes la guérison, je jeûnerai 4 jours pour toi. Oh Allah, si tu me facilites dans ce que j'entreprends, je nourrirai 10 personnes, 10 pauvres. » Et ainsi de suite. C'est des exemples que je vous ai donnés. C'est ça qu'on appelle un vœu. D'accord? Pour bien comprendre, parce que le vœu c'est un terme français, peut-être qu'il veut dire autre chose, mais là, qu'est-ce qu'on entend par le terme vœu? Religieusement, c'est ça qu'on veut entendre. Donc, la preuve de An-Nazr. Donc là, Cheikh Ben Baz, Hafizahullah, il dit وَهَاكَذَا النَّظْرُ عِبَادَةً Et de même pour le vœu, c'est une adoration. قَالَ تَعَالَى Le Très-Haut a dit يُوفُونَ بِالنَّظْرُ Donc, ils accomplissent le vœu pieux. Wa qala ta'ala, et le Très-Haut a dit, وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ et ce que vous avez donné comme donation au nazar tu min nazar ou vœu que vous avez fait, fa inna Allah ya'lamu, certes Allah le sait. Allah sait tout ce qu'on fait. Al-ayah, le verset. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète alayhi salatu wa sallam dit: man nazara an yuti'a Allah falyuti'. Celui qui a fait le vœu d'obéir à Allah, qu'il lui obéisse. وَمَنْ نَظَرَنْ يَعْصِيَ اللَّهِ فَلَا يَعْصِهِ. Et celui qui a fait le vœu de désobéir à Allah, qu'il ne lui désobéisse pas. فَالنَّظْرُ عِبَادَ وَطَاعَةٌ لِلَّهِ. Donc, le vœu est une adoration et une obéissance à Allah. إِذَا فَعَلَهُ الْإِنسَانِ نَزِمَهُ الْوَفَاءِ. Lorsque l'homme a fait le vœu, il lui est devenu un devoir, une obligation d'accomplir ce vœu. وَالنَّذْرُ مَكْرُوهُ. Mais le vœu, il est déconseillé. لِأَنَّ فِيهِ الْتِزَامًا. Car ça fait que tu t'es obligé d'une obligation qu'Allah ne t'avait pas obligé. Donc c'est comme ça, un plus que tu t'es ordonné à faire. وَفِيهِ مَشَقَّةً. Et il y a une difficulté. Il y a, c'est un plus, c'est une charge en plus que tu as dans tous les ans qu'Allah Ta'ala t'a demandé. C'est une charge que tu as ramenée en plus. Et c'est pour ça que le prophète a interdit, a déconseillé le vœu. Et il dit: inna an-nazra la ya'ti bi khayr. Et certes, le vœu ne ramène pas de bien. Mais idha nazara ta'atan, si il a fait le vœu d'une obéissance, lazimahu al-wafa, et maintenant ça lui devient obligatoire de l'accomplir. Le qawl ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam, pour la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam: man nazara an yuti'a Allah falyuti'. Hadith qu'on a dit auparavant, celui qui a fait le vœu d'obéir à Allah, qu'il lui obéisse. Fa idha nazara ibadatan, alors s'il a fait le vœu d'une adoration, une salat ou saum, une salat ou un jeûne ou ghayrihima, ou autre chose, lazimahu al-wafa lima taqaddam, il est devenu une obligation pour ce qui a été précité. Ceci dit pour l'histoire de nazar, le vœu, faut bien l'expliquer. Cheikh al-Albani hafizahullah, dans une cassette, il explique bien ça. Il dit quoi? Il a posé une question sur al-nazar. Il dit que le vœu, il est de deux sortes. Le premier, c'est celui qui a fait le vœu d'accomplir une adoration ou une obéissance, donc qui est bien. Celui-là qui a fait ce vœu-là, il lui est une obligation d'accomplir son vœu lorsqu'Allah lui a répondu à ce qu'il a demandé. J'ai dit, oh Allah, si tu me guéris, je ferai ça, ça, ça. J'ai été guéri, je dois le faire. Oh Allah, si tu me facilites telle chose, telle tâche, je ferai ça, ça, ça. J'ai eu cette tâche, elle m'a été facilitée, je dois le faire. Le deuxième vœu, celui qui a fait le vœu d'un interdit ou d'une désobéissance. Hein? Par exemple, quelqu'un qui des fois on le sait pas. Oh Allah, si jamais tu me facilites dans telle tâche, j'irai égorger un animal vers la tombe d'un tel. C'est un pourri. Ils vont penser que c'est un bien qu'il est en train de faire. Hein? Pour l'Ouali Foulani et ainsi de suite. Hein? Et bien, lorsqu'il a appris que c'était pas bien ça, et ben même s'il a été guéri ou il a eu ce qu'il voulait, et ben il n'a pas à le faire. Parce que c'est Allah va pas t'ordonner d'aller faire un interdit puisqu'il te l'a interdit. Est-ce que vous comprenez? La preuve, ça c'est les deux points. Lorsque tu as fait le vœu d'une obéissance ou d'une adoration, et tu as eu d'Allah ce que tu as demandé, tu dois l'accomplir. Le cas contraire, tu as fait le vœu d'une désobéissance, d'un interdit, tu as eu ce que tu as demandé à Allah, tu ne le fais pas. Le troisième point à bien savoir, c'est que à l'origine, tu ne dois pas faire de vœu. Tu as compris ça? Tu ne dois pas faire. Mais il faut que quelqu'un, par oubli, ou je ne sais pas quoi, il fasse un vœu. S'il l'a fait, il regarde desquels des deux il est. S'il est dans le bon, il l'accomplit. S'il est dans le mauvais, il ne l'accomplit pas. Et à l'origine, on n'a pas à faire de nazar. Si vous avez bien compris. C'est bien compris ce point-là ? Voilà. Walhamdulillah, Rabbil Alamin, wa sallallahu alayhi wa sallam, Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Voilà.